dancer on the beat. C'est l'heure du dit, moi j'avais l'ivelli, je veux du velli, ça arrive en coup par minimum, bim bim, vroom à sini sini, là le monde fait le bruit de 9 milli, brr 9 milli, je veux ta meuf au mini, un massage fini, peu par go de Guinée, je mâche tous les cas au bruit, je suis Billy Jean, je veux massage fini, peu en Philippine. Y'a pas rappé quoi, hein, mais y'a pas là en dedans. Y'a pas là en dedans, y'a pas là en dedans. Un plan avant de lancer ta carrière, c'est un business, c'est un business. Les petits ne connaissent pas le business. Traîne avec moi si tu veux pas faire le rang. Ça s'appelle du moi j'avais les privilèges. Ça s'appelle du moi j'avais les privilèges. Les enflots qui sont là, bro, y'a pas l'an dedans. Y'a pas l'an dedans. Mais l'âme pleure quand j'entends le manière de rapper, c'est des barreaux. C'est des barreaux. Sans mon courant que je suis leur chao. Que des putains de fumeurs de paro. Ok, ciao, allez, ciao. Et c'est pas un sang, c'est un garant. À part nous, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire d'hommes chez les parents. Je vous ai parlé, non? Ok. Quand j'arrive en boîte, moi j'avais les fraises. Moi j'avais les partout dans ta chatte, Spotify ou Deezer. Et là, y'a qu'un honte. T'es jaloux, tu te blesses. Beaucoup gagnent leur vie de rappeur grâce au stress, le chômage en baisse. Tu crois que tu rappes bien jusqu'au moment où tu m'écoutes. On m'écoute, t'habitues jusqu'à où mais. Eh, vérifiez bien, c'est pas sur le trône que vous êtes. C'est amoureux. Ah, le rap ivoire, ils se font tous des coups. Petit succès seulement, ils deviennent tous Yakuba. Hey. Moi je veux. Ma main, elle a cinq doigts, en voici quatre, voici moi j'avelle. Leur talent se limite au rap seulement et ça m'attriste. Voilà. Écoutez-moi bien, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Kasama Toyama.